Allez, papillon, Corbin! Adieu notre pays chéri, amis partons pour le Berry. Adieu Corcelle, à nos vérins de creux, dans la telle, la charrette et les bœufs. Tiens, Rousseau. Allons galvacher en avant, il faut quitter. Chassons le souci, buvons les gouttes chez le Coëbussy. Doucement, on dira notre ami le Co. As-tu pour nous du bon fricot? Dans la galvache, tu le sais par ma foi. Il voit, il chante, il a les larmes aux yeux. Ce qui l'enchante, c'est de nous voir heureux. Allons, papillon. Les uns s'en vont à Commentry, les autres à Bourges en Berry. Puis à la Hirche, Nevers et d'autres lieux. L'ouvrage ne manque pas vos bœufs. Tous s'en vont à Saint-Fargeau, tous y Saint-Sauveur et Blénaud. Conduire la Corse, charbons et bois carrés, on voit la force là de l'herbe barrée. Plancher Monceau chez Saint-Brisson, au 1er mai tous nous partons. Pour Gacogne, Frétois, Gien, puis Arleux, pour la